ça sent la fin de la journée pour Laetitia Gaillet. Oh, allez, Charlie. Oh, allez, Charlie. Ça sent la fin des flashs. Ouais, ça sent. Depuis ce matin, 10h. Depuis, c'est le début de la fin. C'est long, hein. Merci Laetitia Gaillet. Vous savez quoi? Allez vous reposer, mais gardez dans vos oreilles ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Ok. Bonjour à tous. Salut Charlie. Vous avez entendu Pascal Clerc hier soir? Ah non. On lui a retiré sa carte de presse. Non. Mais si. Elle a dit à partir de maintenant, si je suis plus journaliste, alors je suis DJ, je passe des disques. Et Patrick Cohen, il en a remis une couche ce matin. Bah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a coupé au ciseau sa carte de presse par solidarité. Ah bah tant que David Guetta en protestation coupe pas sa carte de DJ. Ça existe pas. Bon bah non, le problème surtout c'est que donc en deux jours on perd deux journalistes dans cette maison, ça va se sentir. Non, mais ça va. Et nous on est là. Hein, ouais, rassurés, quand même, c'est gênant que toute la crédibilité de la station repose sur moi. Ouais, enfin t'inquiète, on en est pas encore là. Mais Alex, qu'est-ce que t'as fait là? Eh ben voilà, c'est comme ça, je suis solidaire. Mais qu'est-ce que tu déchires? Je déchire mon diplôme d'humoriste, voilà. Bah, et ça existe, hein? Bah bien sûr, j'ai eu la mention très bien dans la promotion Olivier Lejeune, madame. Ah bah ouais, quand même. Ah bah oui. Et il faut un diplôme pour faire des blagues? Bah non, j'en faisais avant, j'en ferai encore après, voilà. J'espère bien, ouais. C'est comme le journalisme. Ah bah bien sûr. Et d'ailleurs, tu peux faire du journalisme sans carte de journaliste, voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein, comme tu peux faire des visites sans carte de visite, voilà. Comment ça? Ouais, enfin c'est pas un bon exemple, ça. Non. Bah par exemple, moi je suis fidèle et pourtant j'ai pas de carte de fidélité. Bon Alex, tu sais quoi, tu nous fatigues alors. Avec ou sans carte, on va faire du journalisme et des blagues. Voilà, c'est ma idée. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi aussi, je suis solidaire avec Pascal et Patrick. Voilà. Mais qu'est-ce que t'as déchiré? Eh ben j'ai déchiré ma carte de cantine. Mais comment tu vas aller manger ce midi? Ah merde. Ah bah ouais. Ah non. Oh merde. Passe-moi le scotch. Bonjour la France Inter. Bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui accroche l'actualité à la remorque et voici les trois informations qu'on va trimballer jusqu'à 18h. Les Verts sont divisés, donc tout est normal, me direz-vous. Mais cette fois, le parti pourrait vraiment se diviser en deux entre ceux qui sont prêts à rentrer au gouvernement et ceux qui s'y refusent, comme Cécile Duflot. Vous connaissez le résultat? Oui. Résultat? Résultat, je divorce. De plus en plus d'artistes cumulent deux métiers. On connaissait des comédiens, garçons de café. Il existe aussi des chanteurs horlogers. Eh, tu sais que j'ai fait majorette pendant 2 ans, moi? Non. Si. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire. Tu sais que la plupart des gens de la télévision ont commencé majorette. Des classes de primaire accueillent des ateliers d'éducation budgétaire dispensés par la Fédération bancaire française. Pour ces enfants, leur ami, c'est la finance. Attendez, mais vous n'êtes que des marxistes? Et oh, du calme morveux. Et pour surveiller qu'on ne perde pas ces infos en cours de route, je suis accompagnée d'Alex Vizorek. Mais bonjour Charline, et aujourd'hui autour de la table, hier j'étais la virilité de cette émission. En effet, il n'y avait que moi et que des femmes, mais aujourd'hui il est de retour. À 17h20, lui, quand il est sur la route d'une chronique, alors que tous les chemins mènent à Rome, il est capable de se retrouver à Ouagadougou. Bonjour André Manoukian. Merci Alex, comme c'est bien dit. Bonjour Charline. De quoi vous nous parlez? Jake Isaac, c'est un chanteur de soul, mais qui chante de la folk. Alors j'ai parlé de la théorie des genres en musique. Ça existe aussi, les genres, mais évidemment, il faut les faire péter. Les gens. On est curieux. À 17h30, celle qui nous explique la science partant du principe que si 2 et 2 font 4, 3 plus 6 moins 5 font 4 aussi. C'est plus compliqué, mais c'est tout aussi vrai. Nicole Ferroni. Oui, bonjour. De quoi on parlait? Nous parlerons de parité génétique et politique, si vous le voulez bien. Il y a de la parité partout ici. Attention, sans concertation. Et à 17h40, la littérature s'incarnera. Et c'est on ne peut plus normal que ce soit en elle, ce physique gracieux mais sévère, inattendu mais irréprochable. Son physique, c'est la 4e de couverture de Belle du Seigneur. Bonjour Clara Dupont-Moneau. Bonjour Alex. De quoi on va parler? Elle est en train de se dire, c'est quoi la 4e de couve de Belle du Seigneur? Oui, surtout Belle du Seigneur, ça se termine pas bien. Ouais. Alors, ça ne sort pas dans la 4e de couve. Non, c'est pas aujourd'hui que vous allez pécho. Alors Clara, Alors, après la revanche d'Aquilino Morel, eh bien justement un livre vient de sortir qui s'appelle La revanche de Kevin. Ah, voilà. Très bien. Mais écoutez, ça me semble bien parti cette émission. Teasing. Donc si tu écoutes J'annule tout, je vous le rappelle, et sur Twitter si vous avez des réclamations, hashtag annule tout, et aussi sur Facebook car nous sommes terriblement modernes. Oui. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence, un référent de la République. Vous êtes né sous De Gaulle. Vous apparaissez pour la première fois à l'écran dans Germinal de Claude Berry en 93. C'est l'année où Paris n'est plus qu'à 1h15 de Béthune. Ouais. C'est l'année de l'affaire OMV. Vous êtes Louise Wimmer au cinéma en 2012 quand Standard & Poor's déclenche un psychodrame en dégradant le titre triple A de la France. On est encore traumatisés. Vous figurez sur les listes électorales du Front de Gauche à Roubaix pour les municipales de 2014, l'année où le plug anal de McCarthy est saccagé, place Vendôme. Et donc je vous laisse dire qui vous êtes. Je suis un grand transsexuel de Roubaix, je m'appelle Corinne Maziro depuis mon opération qui a bien marché il y a quelques années. Bonsoir, messieurs. Bienvenue dames. Sur France Inter, Charline Van Hoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Corinne Maziro qui est avec nous, comédienne et rédactrice en chef aujourd'hui, il faut le dire. Alors, achetez l'humanité. Oui. Aujourd'hui et même tous les jours. Et voilà. Rédactrice en chef d'un jour, Corinne Maziro a le premier rôle dans l'Huma. Et en plus, alors vous avez la gentillesse de venir alors que vous n'êtes pas en promo, comme on dit. Et ça, c'est rare, il faut le souligner. Et ça nous fait très plaisir. Et en plus, vous venez de Roubaix. Et alors, ça nous fait encore plus plaisir. Mais il y a quand même une promo parce que demain, vous êtes rédactrice en chef du Figaro. J'ai demandé, bosse, mais je sais pas. Ça a du mal à rentrer dans les cartons comme ça. Et vous ne serez pas en tout cas rédactrice en chef de Valeurs Actuelles qui a classé Roubaix dans no les go no-go zone. C'est pas vrai. Fuck you, Valeurs Actuelles. Ils gagneront pas la classique alors. Ouais, non, mais c'est du grand n'importe quoi. Et mais ça, c'est parce que moi, à Roubaix, il faut s'armer pour aller dans les rues. Mais tout ça à fait, d'ailleurs, moi, j'ai ôté ma burqa, elle est sur la chaise qui est là et je suis nue en dessous, voyez-vous, avec les deux sexes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un peu, chez les Roubaisiens, c'est un peu une qualité. Voilà, on est comme ça, donc c'est peut-être ce qu'ils ont confondu avec la burqa. Bah maman, oui. C'est... Bah, alors, on peut être nous sous son kawé, il y a encore les kawés qui marchent à Roubaix, et mais ça remarche. Et j'en ai une, je pue un peu, ça glisse. C'est un produit purement du Nord, le kawé, qui marche bien. Oui, comme dirait Dan Alors, Boom. On peut toujours aussi vous voir dans Discount, oui. De Julien Petit, qui est en salle depuis le 21 janvier. Ouais. Une histoire d'employés de Hard Discount qui perdent leur emploi. Qui foutent le brin, comme on dit chez nous. Exactement. Ouais. Et qui récupère des produits qui auraient pu être gaspillés, mais alors pour les revendre à prix social. Donc on peut dire une comédie sociale ? C'est une comédie sociale, c'est-à-dire qu'on se fend la gueule quand on va le voir, mais on peut réfléchir aussi et on continue à faire des débats avec le public. Je vais en faire une demain soir dans ma no-go zone de région. Mm-hmm. Voilà. Et non, c'est un super film et ça fait plusieurs semaines qu'on est à l'écran. Alors qu'au départ, ce n'était qu'un petit film tout pourri. Vu la thématique du film, est-ce que par exemple, vous avez été le montrer au MEDEF ? Alors, la dernière fois que je suis au MEDEF, je suis monté sur les tables avec mes copains de la coordination des interlutants. Ah oui, mais c'est ça, évidemment. Et depuis, je ne suis plus invité, je ne sais pas pourquoi. Non, parce que vous avez fait des débats, évidemment, avec des patrons de grandes entreprises qui pourraient avoir un... Oui, mais moi, j'en faisais pas partie, vous voulez. Pour éviter de monter sur la table. On était invité aussi à l'Elysée, je n'ai pas voulu y aller. Vous n'avez pas été voir François Mais d'ailleurs, on n'y est pas allé du tout. Moi, je ne voulais pas y aller, mais les copains, ils ne sont pas allés parce que c'était le jour des attentats. Voilà. Ça a été reporté. C'est comme la galette à Levallois-Perret, ça a été reparti. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, on vous retrouvera aussi, à l'automne, dans un téléfilm qui sera diffusé sur France 3, ouais. Capitaine Marlowe de José Dayan. Oui. Et vous avez tourné notamment avec Gérard Depardieu. Ouais. Et vous avez l'habitude de tourner avec José Dayan, notamment les adaptations de Fred Vargas. Ouais. J'ai fait 8 téléfilms avec José. C'est une nana que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une nana super généreuse. Et puis, quand on est comédien, c'est bien de tourner avec elle parce qu'on peut proposer tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, dans le Capitaine Marlowe, c'est le principe de Columbo, c'est-à-dire que tu as toujours une mec qui se bagarre et qui cherche ses trucs. Et tu as une guest qui arrive. Et là, la guest, c'était La Depardieu. Ah oui. La Depardieu. Méchante guest. Ouais. La Depardieu qui est votre voisine maintenant. Bah, tout il à fait. Pas méchant. Bah, c'est la vôtre aussi, il me semble. Oui. Hein. Bah, bien sûr. Non, c'est un super mec, franchement. Un putain d'acteur, ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. C'est vraiment super chouette. Et donc, on a fait là le numéro 0 et on va en faire 2 autres cet été. Et ça va faire une petite série très sympa. Diffusée donc à l'automne sur France 3. Et puis en attendant, toujours aussi Discount. Allez dans les salles, il est toujours solidaire, à l'affiche. Et voilà. Et donc, et dans l'humanité aujourd'hui. Ouais. Et on va en parler parce qu'on a jusqu'à 18h pour passer en long, en large, la politique, le social, les intermittents. Cool du cul. On va foutre le brin, comme vous dites. Corinne Maziro est avec nous sur France Inter. We'll be right back. Placebo, The Bitter End, pour éviter de vous endormir en voiture si vous nous écoutez. Exactement. Avec l'autoradio sur franceinter.fr. Dans 10 minutes, on entendra André Manoukian et autour de cette table. Et puis, il y aura Nicole Ferroni, il y aura Clara Dupont-Mono et vous êtes avec nous. Hashtag annule tout. Et il y a Laurent Christol qui nous dit, j'avoue, j'avais jamais entendu parler de Corinne Maziero, mais je sens que je vais l'aimer. Et Corinne Maziero, c'est notre invitée, donc ça tombe bien. On va s'aimer. Voilà. Allez. On cite les grands auteurs dans cette émission, vous l'aurez compris. Sur une étoile ou sur un oreiller. Allez Alex, on consomme massivement l'actualité. On passe les infos à l'essoreuse parce qu'on fait la lessive en duo ici. Charline Vanhoenacker. Non mais je vous en veux pas. Mais... Alex Vizorek. Franchement, Bruxelles. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. L'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Angela Merkel est enfin sur Facebook. 10 ans après la création du réseau social, la chancelière et son gouvernement ont passé le pas. Et on connaît le nom de ses deux premiers amis Facebook. Ouais, Nicolas Sarkozy et un certain Paul Bismuth. Ah, et donc elle n'est pas allée sur Twitter. Ah non, ça je vous le confirme. Ben non, ouais. C'est normal qu'elle préfère Facebook, c'est une Allemande. L'idée d'écrire sur un mur la rend nostalgique. Voilà, c'est ça. Revenons en France. Oui, le député UMP Jean Leonetti dépose sa proposition de loi sur la fin de vie à l'Assemblée nationale. Il déclare... On meurt encore mal en France aujourd'hui. Oui, ça, bien mourir en France, on ne sait pas faire. Il n'y avait qu'à voir Marion Cotillard dans Batman pour s'en rendre compte. Ouais. Oui. Et Jean Leonetti propose donc un droit à la sédation profonde. Ah bon ? Oui, en fait, le malade a droit de décider de dormir avant de mourir. Ah oui, ça, on sait faire en France, parce qu'il n'y avait qu'à voir le discours de Marion Cotillard au César pour s'en rendre compte. Et on reste dans la fin de vie. Vaches. Oui, bon, on est là pour ça. Vous avez bien fait d'être là, parce que quand vous n'êtes pas là, on parle de vous. Je vous en parlais hier des candidate nonagénaire du Front National pour les départementales. Ah, vous avez du nouveau sur ce front. Exactement. Ouais. France 3 Auvergne a voulu vérifier leur implication et ils ont été à leur rencontre. Pour Jeanne Méniel, 99 ans, ça semble clair, elle est impliquée. Depuis toujours, mon pauvre monsieur, depuis toujours, toujours, toujours, on est droite. Toujours et ça continue. Exercer un mandat vous fait pas peur? Il n'est pas question de l'acheter tous les jours, quand même. Et puis il n'est pas question que je sois la représentante, il y a quand même quelqu'un devant moi. Oui, parce qu'elle est suppléante. Donc elle est droite, c'est-à-dire 5 fois droite. Attention, bon. Parce qu'à 360 degrés, on en revient à gauche. Non, ne lui faites pas peur. En revanche, pour l'autre, Micheline Becerrias, 92 ans, c'est moins clair, puisqu'en fait, c'est le journaliste de France 3 Auvergne qui lui a appris qu'elle était candidate au Front National. Mais bon, alors, elle a bien admis avoir signé des documents. J'ai signé deux papiers. Oui. Deux papiers. Mais vous saviez à quoi correspondaient ces papiers? Je ne savais pas quoi. Non, vous savez, je n'ai jamais signé de ma vie sans avoir lu quelque chose. Mais comme je ne vois pas clair, j'ai signé sans lire. Est-ce que c'est pas magique? C'est ma nouvelle idole. Et comme j'en ai parlé hier de ces dossiers, il y a un auditeur qui m'a envoyé un autre lien, parce que toujours France 3 Auvergne, où le FN a poussé un peu plus loin l'idée d'enrôler des candidats sans trop leur faire lire les conditions. La mésaventure de cette septuagénaire non-voyante a débuté par un simple coup de fil. Je voulais pas du tout m'investir dans une... Déjà, bon, vu mon âge, je suis atteinte de cécité, vous voyez un petit peu ce que ça implique... Je pense qu'on a dû jouer sur ce tableau en disant « bon, elle va pas voir ce qu'on a dans les mains ». Voilà, on est à deux doigts d'avoir Amadou et Mariam sur les listes, hein. Je vous le dis. Tu m'étonnes qu'elle a rien vu. Et on termine par la seule chose un petit peu drôle qui est suivie, l'accident d'hélicoptère en Argentine. Mais oui, c'est une dépêche AFP. Ce matin, 11h19, Martin Bouygues présente ses condoléances au nom du groupe. Martin Bouygues qui passe par l'AFP pour entériner des décès. C'est sans doute l'espérance de conjurer le sort. Allez, on est ensemble jusqu'à 18h et on convoque l'actualité à la barre. Corinne Maziero qui essaye de se remettre. Et alors, le premier sujet, on va aborder le premier sujet, attention, concentration. Un sujet que vous avez traité d'ailleurs comme rédactrice en chef ce matin dans l'Humanité. Ah bon, ouais, vous allez voir, vous allez vous reconnaître. Vous êtes la première invitée qui bosse les sujets au point d'être dans le journal le matin. Oui, et on a eu le nez creux. Hein. Oui, c'est vrai, c'était ça, je vais vous dire. In tempore non suspecto. Premier sujet, Europe Écologie Les Verts qui est divisée entre ceux qui sont prêts à retourner au gouvernement et ceux qui s'y refusent à cause de la ligne Valls notamment. Ouais. Si les Verts se brisent, ils pourraient faire éclore une nouvelle force politique. On peut avoir des convictions et faire des compromis. C'est pas incompatible. Ça, c'est de la grande stratégie politique. Bah oui. Ta gueule. Ça vous dérange, je sens. Celui qui est d'accord à 100% avec moi, je pense qu'à part moi, il y en a pas. Donc. Ta gueule. Allez. Eh oui, un petit Danny comme Bendit, un petit peu de Cécile Duflot, tout ça sur les verres. Alors, il y a quand même une conférence climat à la fin de l'année, en décembre 2015. Hollande, il mise plein de trucs là-dessus. Il va peut-être sauver son mandat grâce à ça, on ne sait pas. Et il n'y a plus aucun vert au gouvernement. Alors, est-ce que, pour faire avancer l'écologie, est-ce que les verts devraient quand même pas participer au pouvoir? Et moi, je dis compromis, chose due. Après, les vous allez faire des slogans. Ben oui, mais non, mais les histoires de stratégie politique, on s'en bat les couilles. Enfin, personnellement, je m'en bats les couilles. C'est ce que vous dites dans l'Humanité ce matin. Ouais. Vous dites la politique s'est transformée en spectacle de boxe élitiste. Et donc, vous souhaitez voir les verts avec les rouges tous mélangés, dites-vous. Mais c'est pas une question d'étiquette. C'est une question. On faudrait peut-être qu'on parle du contenu avant de parler du contenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi? Parler de, je sais pas, on dirait un show télé. On peut, en plus, c'est pas chiant de parler de politique, de la politique dans la ville où ça concerne tout le monde. Donc arrêtons de parler des trucs de verre, de machin. Mais est-ce qu'on n'est pas mieux mis pour en parler quand on est en dehors du gouvernement? Parce que là, la liberté de ton de Cécile Duflot, elle l'avait pas quand elle était. J'en sais rien, faut y demander. Hein. Alors quand vous dites qu'il faut parler du fond, ouais. Quand vous dites qu'il faut parler du fond et pas les regarder se battre, les combats de code, ouais. Etc. Justement, les verts, ils sont beaucoup dans l'idéologie, dans les débats, d'idées. Est-ce qu'ils sont pas moins à cause de ça dans l'action, c'est-à-dire dans ce que vous dites dans le fond? Est-ce qu'ils perdent pas leur temps à discuter? Non, jamais. Les verts, ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Quand tu discutes avec des gens qui votent vert ou qui votent rouge ou pas les autres. Les verts à pied vont moins vite, en tout cas, que les verts qui courent. Oui, ça c'est vrai. Ça s'appelle la limace. Tu sais, quand tu n'as plus de pied et que mais tu te traînes par terre, tu as une fille, ça fait des traces. C'est le prisme scientifique de Nicole Ferroli. Et alors, voilà. vous réagissez aussi ce matin dans l'UMA, Corinne Maziero, et vous dites « Redonnons le pouvoir à l'imagination, n'ayons pas peur des utopies, c'est souvent avec les utopies qu'on fait des lois magnifiques. » Donc là, vous semblez déplorer le fait qu'on n'ait plus de vision à long terme et de rêves et d'utopies qui nous guide. Bah forcément, puisque c'est que des stratégies politiques. C'est mon téléphone qui sonne. Merde, c'est qui? C'est Cécile Duflot? Non, c'est Macha Makaïef de la CRI à Marseille. Oh. Ah bah, on lui passe le bonjour. Ouais. Mais on va lui... Écoutez, elle est occupée avec Excusez-moi, nous, on parle de Cécile Duflot. Si vous voulez vendre une date, allez-y. Hein. Non, c'est bon, mais elle me propose de jouer dans un Molière, mais bon, c'est chouette. Voilà. La VAR? Ben non, je ne sais plus lesquels. Bah dites-nous, hein, comme ça on sait. Enfin, ça n'intéresse personne. Si, on fait de la promo, mais en amont, là. Mais alors, donc, vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas d'utopie chez les politiques et qu'il n'y ait pas de souffle, quoi. Mais chez tout le monde, putain. Il faut penser à long terme, il faut arrêter de penser d'une élection à une autre. C'est ça qui fout la merde, putain. On est en train de parler de parler des gens, de comment ils sont habillés, comment ils causent, comment ils tweetent. Qu'est-ce qu'on s'en fout, enfin, putain, oui. Dans cette émission, on n'en parle jamais. Nous, on parle que du fond, ça, je peux vous dire. Ben oui, mais le fond de l'air. Mais quand on touche le fond, c'est bon. Ça remonte. Il faut remonter. Ou alors on reste au fond parfois. Ouais. S'il y a de la vase. Mais sur les verts qui se déchirent sur le fait d'être ou pas dans le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez vous-même en se détachant des verts? Est-ce que selon vous, pour avoir une action politique concrète, il faut forcément être dans la place? Est-ce qu'il faut faire de l'entrisme? Moi, je dis qu'il faut les deux. Après... le plus adapté à faire l'une ou l'autre chose, le fait. Moi, c'est pas mon truc d'y aller là-bas, mais... Moi, je suis plutôt à monter à poil sur les toits de la drague pour emmerder le monde, mais... Et quand vous êtes mis sur les listes, à un moment, vous vous êtes dit, mon utopie, je vais essayer de la mettre en pratique. Mais oui, parce que des fois, les camarades, les potes te demandent de venir donner un coup de main, bah t'y vas. Que ce soit en faisant partie de la section bourrin, comme je fais dans le Nord, ou en allant tchatcher, parce qu'il y a des gens, c'est pas leur truc, quoi. Tous ensemble, on peut faire avancer les choses, progresser les choses. C'est pas des histoires d'étiquettes et tout ça. Putain, ça, c'est chiant. Et d'ailleurs, vous dites dans Nord et Clair, la politique est là sur le pas de la porte. Il faut que la base soit forte, sinon c'est le haut qui s'effiloche. Voilà. Et sur cette pensée philosophique, ah, vous avez dit ça dans Nord et Clair. Ouais. Vous le renotez si vous voulez. Il faut que la base soit forte, sinon le haut s'effiloche. Ouais. C'est pas mal. Hein. Ça vous inspire quelque chose, André Manouka? Parce que c'est à vous, donc ça tombe bien. Si, parce qu'en musique, on dit pour travailler tes aigus, il faut que tu travailles tes graves. Et on dit aussi tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut aussi. On va écouter une voix. Écoutez cette voix, c'est dingue. Je dis c'est dingue parce que le gars il a une voix de soul, parce que le gars il est black, et un black qui joue de la guitare acoustique, du coup c'est plus rare. On a comme ça des espèces de préjugés dans la tête, et j'ai voulu aller un petit peu plus loin dans ces histoires de préjugés. Surtout que lui, il s'appelle Jake Isaac, il est juste exceptionnel. Quand on parle de folk music, hein, français, c'est tout de suite À quoi on pense ? Fromage de chèvre, Communauté en Ardèche, Saint-Julien-Molin-Molette ou Roquefort-la-Bédoule. Hein, voilà. Poterie, macramé, amour libre, bref, c'est tous nos clichés sur le folk. Pas tout à fait faux. Étymologiquement, folk music, ça veut dire à musique d'un peuple, sous-entendu d'un terroir. En fait, le plus souvent, on associe le terme à un genre né aux États-Unis dans les années 30, pendant la Grande Dépression américaine, qui va jeter sur les routes des milliers de personnes. Les hobos, mi-clochards, mi-troubadours, vont mettre en musique les misères du peuple. Woody Guthrie, Hank Williams, Willie Nelson, puis plus tard dans les années 60, Dylan et John Baez, vont typiquement être les patrons du genre, de même que vous, Alex et Charline, vous êtes les patrons de l'humour intelligent qui tire les gens vers le haut et sur les cons en pleine face. Toujours est-il qu'en fait, chaque musicien, pour peu qu'il exprime un bout de son territoire, devrait être considéré comme un musicien folk. Les Corses font de la folk, les Maliens font de la folk, les Napolitains font de la folk. Mais les préjugés sont durs. Dès qu'on entend un chanteur black avec une guitare acoustique qui fait du picking autour d'un piano romantique, on s'étonne, on le verrait plutôt dans un registre gospel ou avec un funky drummer à nous faire de la soul 60s bien vintage. Aussi, quand Jake Isaac attaque avec une guitare acoustique, on dit « Waouh ! Que c'est bon, mais c'est nouveau, mais qu'est-ce que c'est que ce son ?» Un petit peu quand votre petite amie change de parfum, vous avez le sentiment d'être avec une nouvelle personne. Hein, vous parlez d'expérience, Alex, vous. Oui, il en faut peu. À part ce fou de Richie Evans qui avait ouvert Woodstock avec sa guitare, vous vous rappelez de ça ? En fait, c'est un des premiers qui prend ce... Vous n'étiez pas là à Woodstock en 68 ? Non, j'ai... Ouais, non, 69, 69. On était que des idées à l'époque. Vous étiez que des utopies. Voilà, Jack, lui, un peu... Il a fallu que je cherche un petit peu pour retrouver encore un gars qui faisait de la folk. Jack, lui, il vient de South London. En fait, les Anglais sont beaucoup moins dans le formatage que les Américains. De tout temps, les Américains, ils ont classé les musiques par catégorie. Il y a des radios R&B depuis le début, des radios country, des radios folk, des radios jazz, des radios rock'n'roll. Les Anglais sont beaucoup plus iconoclastes et des casseurs d'images. Et de toute façon, les arrangements conventionnels, ils savent pas les reproduire. Et c'est pas dans leur culture de sortir à la chaîne des musiques de genre. Les Américains disent « genre ». Aux États-Unis, de tout temps, les mêmes équipes de musiciens enregistraient en studio pour une pléthore d'artistes. Alors, on avait des bons résultats aussi, c'est ce qui a fait le grand son des studios, de la Motown ou de la Sax, Booker T and the MGs, Steve Cropper. C'est des musiciens de légende qui firent le son d'Otis Redding, de Sam and Dave, de Wilson Pickett, de Rufus Thomas, d'Eddie Floyd... Bref, de toute la crème de la soul music. Donc en Angleterre, comme on ne sait pas faire ça, ben on invente, on mélange les genres, on bricole, on innove, on commence une intro avec des guitares folk, et puis après un bon riff new wave, une voix soul par-dessus, et puis feu. Comme quoi, c'est bon de temps en temps de sortir de la théorie du genre, en tout cas de s'amuser avec. Définitivement, écoutons le cri de Jake, Isaac, mes frères et mes sœurs, et par pitié, mélangeons-nous les uns les autres. Could have told you I loved you. Hey. Give me your hand the moment. She goes away. Those days are over. Hey. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. She goes away. Ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. I could have held you always. She goes away. I could have gave you more. Hey. You knew me always. She goes away. I thought I knew you more. She goes away, yeah, yeah. Help me, cause I'm losing my senses. Don't leave, you know I'll be empty. Darling, I can hold you tighter. Believe me, I would let this go. I would just be you. I know we're again. Hear me when I say I don't wanna love no other. You make the world a better place. You just be. I hurt you. She goes away. Please see I'm desperate. Hey. They know the hero. She goes away. Without you I'm worthless. Hey. Ooh, ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh, ooh, ooh. She goes away. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Help me, cause I'm losing my senses. I don't wanna love no other. You make the world a better for you. Fool for you, Jake Isaac, que nous a fait découvrir André Manoukian. Ça a surpris tout le monde, André. Tout le monde a aimé autour de la table. C'est chouette, parce que Nicole, c'est une découverte. C'est la première fois qu'on aime quelque chose qui passe. C'est pas la première fois. On aime toujours ce que vous passez. Allez-y, cite-moi un truc. Allez, vas-y, cite-moi un truc que t'as aimé. IBI. Ah, IBI. Si, le fils de Jacques Higelin, j'aime bien, moi. Arthur H. Ok, Clara Dupont-Monod. Fauve, on a passé Fauve. Moi, ce que je préfère, c'est quand c'est vous qui jouez du piano, André. Voilà. Un petit message pour installer un piano. Merci. Tiens, un petit message à la technique aujourd'hui dans cette émission. Charles Danet, Bruno Poncelet sont en régie. Nous sommes en compagnie de Corinne Maziero jusqu'à 18h sur France Inter. Et alors là, Corinne, c'est le moment de Nicole Ferroni. On part dans le sud. On part dans le sud. Et oui. Je prends la parole. Moi, je vous en prie. Je vous la donne. Merci, c'est parti. Madame Charline. Juste après ce 8 mars, voilà, la journée de la femme, je trouvais que le nouveau scrutin pour les élections départementales était quand même plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque nous allons devoir élire pour chaque canton un homme et une femme, donc selon une stricte parité. Sauf que malheureusement, si cette parité arrive dans les conseils généraux, elle semble quitter les processus génétiques. Si on en croit, bien sûr, l'article du magazine Nature Genetics qui nous apprend cette semaine que même si nous recevons bien notre patrimoine génétique de nos deux parents à part égale, il semble que nous, humains et mammifères, nous exprimions généralement plus les gènes en provenance de notre papa au détriment de ceux de notre maman. Ce qui pourrait expliquer certes la nature fournie de mes sourcils, mais qui va bien sûr à l'encontre de ce qu'on a appris sur l'héritage génétique d'un individu jusqu'à présent. Puisque jusqu'à présent, on savait que tout individu était issu de la rencontre d'un spermatozoïde venu du papa et d'un ovule émis par la maman, contenant chacun 23 chromosomes, et de la rencontre de ces deux cellules sexuelles, souvent dans un moment de sensualité et de sang préservatif, finalement arrivait une cellule œuf contenant alors 46 chromosomes, soit 23 paires de chromosomes, où chaque paire était formée d'un exemplaire paternel et un exemplaire maternel, exactement comme de la même façon les futurs conseils départementaux du Bas-Rhin, du Rhône et de l'Ain, qui contiennent chacun 23 cantons, seront dirigés par 46 représentants au total, c'est-à-dire 23 paires de représentants où chaque paire contient un représentant féminin et un représentant masculin, comme le prévoit le nouveau scrutin. Et bien sûr, on projette dans les deux cas à ce que cette participation à part égale de la femme et l'homme contribue à une certaine équité génétique et politique. Sauf que s'il y a effectivement parité, dans le cas génétique, il n'y a pas pareilleté, parce que nos parents participent à part égale, mais différemment. Je vois par exemple moi-même, ma maman a les yeux marrons, mon papa a les yeux gris-bleu, et quand je suis née, non seulement mes yeux étaient marrons, mais mon père l'était aussi, puisque le caractère yeux gris qu'il m'a transmis ne s'est pas exprimé. Le caractère yeux marrons de ma maman a été bien sûr dominant sur le caractère yeux bleus de mon papa, qui lui est resté muet, récessif, exactement comme un pays en récession, comme la France va rester muet par rapport à un pays dominant, qui le domine comme l'Allemagne. Et donc, sauf que cette qualité dominante récessive qui est liée à la structure du gène et pas à son porteur, c'est-à-dire que l'importance finalement du colis génétique que reçoit un enfant dépend bien sûr de ce que le colis contient, mais pas de son porteur, pas de l'expéditeur du colis, et bien ça c'est ce qu'on a toujours cru jusqu'à présent et jusqu'en Caroline du Nord, et on voit qu'en fait ce n'est pas forcément le cas, puisque en Caroline du Nord, poussé par la curiosité, des chercheurs ont voulu étudier ce facile à transmission d'un gène non pas récessif dominant mais codominant, c'est-à-dire qui pouvait se co-exprimer comme dans le cas de la couleur de la peau. Vous savez, un enfant peut être métis et pas comme pour les yeux bleu ou marron. Enfin, cela dit, si jamais votre enfant est bleu, il faut le ranimer vite fait. Donc, et pour certaines maladies comme l'obésité ou la schizophrénie qui peuvent résulter de la co-expression de gènes paternels maternels, ils ont voulu tester l'impact de l'origine paternelle ou maternelle de ces anomalies, et donc ils ont croisé des souris de populations différentes, c'est-à-dire qu'ils ont croisé des souris obèses avec des non-obèses, ou des souris schizophrènes, c'est-à-dire qui parlaient d'elles-mêmes au pluriel avec des souris non-schizophrènes, et le résultat est assez fou. Si on croise un papa souris obèse avec une maman souris normale, l'enfant souris aura plus de probabilité d'être lui-même obèse que si c'est sa mère qui est obèse et son père non. C'est-à-dire que dans 80% des cas, c'est le gène issu du papa qui s'exprime davantage que celui de la maman. Donc cette découverte fait pointer deux choses du doigt. La nécessité, pour nous les femmes, de bien choisir notre partenaire géniteur, c'est-à-dire de ne pas faire comme nos collègues, à savoir forniquer dans des coins sombres avec une forte alcoolémie et une faible lucidité, parce que sinon on risque de se retrouver avec un enfant qui certes peut être moche mais surtout ne nous ressemble pas. Et l'autre point important, bien sûr, c'est guetter l'avenir des nouveaux scrutins des départementales, puisque comme les souriceaux, les futurs conseils départementaux vont recevoir un patrimoine 50% masculin, 50% féminin, et sauf qu'il faudra bien vérifier que contrairement aux souriceaux où les caractères mâles s'expriment plus fort que les féminins, nos choix politiques s'expriment sans que le sexe prime. Bravo! C'est magnifique. Ça, c'est fini en fanfare. Et donc c'est le gène du père qui est plus important que celui alors, de la mère. Alors oui, en fait, nous recevons à 50% par égal, mais il paraît voilà, que les gènes s'expriment plus, et ils parlent plus fort. Chez Marine Le Pen, c'est flagrant quand même, effectivement. Ah, la mâchoire! La mâchoire, ouais. C'est le père qui a influencé, on le sait. Merci Nicole Ferroni. Vous êtes toujours sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Corinne Maziero, qui en plus aujourd'hui est rédactrice en chef de L'Humanité, un journal qu'il faut acheter. Et les souris homo, elles font comment? C'est-à-dire est-ce qu'elles sont encore homosexuelles? Si pour foutre la merde dans l'équipe, poser des questions difficiles à nos spécialistes. Elle va falloir travailler, Nicole. Parce qu'en fait, ils travaillent que sur des maladies. Mais l'homosexualité n'est pas une maladie, Corinne. Prenez note pour une prochaine chronique. Non, parce que je pense à ma prof de pilates qui essaye d'avoir un môme avec sa meuf. Et voilà, donc ça n'apporte rien. Ah, et ben... pourquoi pas? Non, elle fait comme elle veut, moi, je pense. Comment elle va faire aussi? Le tout, c'est... Il va ressembler à qui son môme alors? C'est surréaliste. Ah, bah il sera moindre, hein, ça c'est sûr. Hein. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est les enfants de femmes sont vraiment moindres, sont tout petits, tout chétifs. Maman, c'est sûr, papa peut-être. Hein. On passe au sujet 2, où une étude américaine montre que de plus en plus d'artistes sont amenés à cumuler deux métiers. Certains disent que ça leur permet de garder les pieds sur terre. Voilà peut-être une solution, une façon d'allier le statut de travailleur intérimaire au statut d'intermittent du pestacle. Quelque chose de pas du tout précaire, donc. Bien sûr. La culture, ça fait mal à la tête. On veut les dents, on les salte avant, plus de subventions. On les porte à bien, c'est des manifs de droite. Avec Corinne Maziero, vous avez reconnu. Ouais, on faisait des manifs de droite un peu partout en France. Ça commençait en 2003. On gueulait des slogans comme ça. Ouais. TFA, c'est bien art, c'est compliqué. Pas d'allocs pour les dreadlocks, etc. etc. On s'habillait un peu en veste beige et tout ça. Et les gens sur le parcours qui disaient, mais comment ça? Manif de droite, donc. Les femmes devant, les hommes derrière, etc. etc. Alors, y a par exemple Didier Vampas qui est chanteur et qui travaille toujours à la RATP. Il y a aussi une double page dans Libé à ce sujet, hein, sur ces artistes qui sont obligés de travailler à côté. Il y a notamment un musicien du duo électro Château Marmont qui est horloger amateur pour payer son loyer. Alors notez, ça se fait aussi des fois chez les politiciens, hein, Olivier Besancenot, Arlette Laguiller, travaillent, ils font de la politique. Est-ce que ça peut un peu régler les affaires d'intermittents du spectacle si on travaille finalement un peu à côté? C'est des conneries, ça. Puis il n'y a pas que les artistes, il y a les techniciens qui sont dans la merde aussi depuis 2003 avec leurs conneries de politique de merde au gouvernement. Je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire. Alors, Corinne Maziero est très énervée sur ce sujet. Vous exprimez d'ailleurs dans l'UMA ce sujet. Et alors, je vous cite, hein, vous dites ce matin, le régime des intermittents du spectacle a été remodelé pour niquer un max d'ouvriers de la culture. Ben ouais, moi je ne suis plus ouvrière parce que voilà, je gagne bien ma vie et tant mieux pour moi. Mais tous mes potes autour de moi, et pas que mes potes, hein, qu'ils soient dans le spectacle vivant ou dans l'audiovisuel, techniciens ou artiste, hein. C'est l'hécatombe depuis 2003. Hein. Et c'est pas, tu dis avoir deux boulots, il faut encore réussir à en avoir un. Mm-hmm. Et ils se retrouvent pour certains, mais c'est pas des brels, hein. C'est des gens qui ont travaillé dans des trucs super importants, qui ont occupé des postes, des chefs de poste en technique, etc. Ou des artistes qui ont travaillé super longtemps dans des CDN, etc., qui se retrouvent au RSA. Donc non, il faut arrêter de délire avec ça. C'est comme au Canada. Moi, je vais souvent au Québec parce que, bref, c'est mon hôte chez moi. Et là-bas, quand tu demandes à un comédien, « t'es comédien, tu travailles dans quel bistrot ?» C'est ça que vous voulez que ça devienne ici? À Paris, ça va aussi, pas, peut-être, ouais. Non. Mm-hmm. Non. Tout à l'heure, on en parlait avec un copain Técos ici. Là, il dit « CDI, c'est une chance. » Ouais, c'est une chance. Et intermittence, c'est bien parce qu'on peut choisir de travailler sur différents projets. Ou alors, il faut recommencer, comme il y a mon pote de JC, des Barbares Infourchus, il disait dans le temps, ils allaient faire leur... faire la manche pour gagner leur thune. C'est ça que vous voulez que ça devienne ici en France? Et ça va, il faut arrêter de délirer. Et vous dites la culture m'a sauvé. Vous pointez aussi à travers moi, tout perso, ça, ouais. Ce combat, l'importance de la culture. Moi, à 30 ans, dans si j'étais pas monté sur un plateau, je serais pas là en train de te parler. Quoi. Mm-hmm. Ça, c'est clair. Mais bon, ça c'est mon truc à moi. Ouais. Ah ouais, tant pis pour vous. Oh bah non, on est content de vous avoir. Non, pardon, mais ça c'est des trucs, ça m'énerve. Bah oui, c'est pour ça qu'on a choisi le sujet. D'ailleurs, à l'Humanité, vous êtes allé avec votre croix blanche sur des intermittents, oui, qui est sur mon portefeuille là aujourd'hui, ouais. Parce que j'étais dans le 16e, je l'ai mis sur mon portefeuille. Et voilà, et je fais un gros bisou à tous mes potes solidaires, à Sarah Souko et toute la gang, à Joanne Anizar, c'est tous des gens comme ça, des comédiens, des comédiennes qui en chient, qui se démerdent pour montrer. On a monté un film qui s'appelle Code Barre de Christian François. Il a mis sa thune dedans. Il se démerde pour essayer de faire. On l'a tourné en 2 semaines. Il essaye de le faire distribuer. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Ça se casse la gueule, la culture. Vous avez l'impression que Fleur Pellerin fait quelque chose, vous le. Mais vous que dalle. Voilà. Mais pour ça que moi je voulais pas aller à l'Elysée présenter Discount solidaire, les gars, les filles. Oui, Discount donc de Julien Petit qui est en salle depuis le 21 ouais. janvier, qui est toujours à l'affiche. Clara Dupont-Monod, la culture. En parlant de culture, ça nous sauve tous les jours aussi, oui. Avec vous sur France Inter. C'est merci. Oui, Charline, parce que l'actualité c'est aussi la revanche d'Aquilino Morel. Il a fait savoir hier via Le Parisien qu'il avait été blanchi par la justice de toute prise illégale d'intérêt. C'est un camarade aussi, hein, ah. Aquilino Morel. Voilà, c'est un camarade. Puis, pour l'histoire du cireur de chaussures, ouais. C'était une maladresse isolée, il l'a dit tel quel aux Parisiens, et puis ses ennemis s'en seraient servis contre lui. Alors, Aquilino Morel, on l'a compris, il est donc en colère, et maintenant, il a le statut de caillou dans la chaussure du président, toujours d'après Le Parisien. Alors là, il faut se souvenir de la phrase de Machiavel, cette phrase que j'aime beaucoup, où il dit « Il faut jamais blesser les hommes, il faut les caresser ou les oxyr, car un homme blessé est un homme dangereux ». Et voilà que notre Aquilino Morel, il est en colère, il est blessé, il est dangereux. Alors dans ce climat sanguinaire, il y en a une quand même qui débouche la bouteille de champomie, c'est Mademoiselle la littérature. Parce qu'elle adore cette figure-là, la figure du pestiféré qui revient, en général avec un hachoir dans chaque main. Le plus célèbre des terminators littéraires, c'est Ulysse, bien sûr. Quand il revient sur Ithaque, c'est l'alerte rouge. Il rêve de carnage, ça c'est le mot qu'emploie Homère. Il procède au massacre des prétendants, c'est le titre aussi du chapitre, entre guillemets. Parce que, évidemment, en plus de lui piquer et son trône et son île, on a voulu lui piquer sa femme. Antinous, le plus méprisant de tous, le plus prétentieux, le plus arrogant, tu seras le premier servi aujourd'hui. Ah voilà, on dirait Aquilino Morel, vous imaginez qu'il parle à François Hollande, hein, tu seras le premier servi, etc. On imagine. Mais Aquilino Morel... Il est un peu un physique de péplum, Aquilino Morel. Oui, c'était Kirk Douglas en plus qui jouait Ulysse. Mais Aquilino Morel pourra aussi s'inspirer d'Edmond Dantès, le héros d'Alexandre Dumas. La vengeance. Je vais changer d'identité. Je vais devenir comte. Mesdames et messieurs, les comtes de Monte Cristo. Changer d'identité, ça c'est l'arme fatale de la revanche. Et justement, un livre vient de sortir comme fait exprès pour Aquilino Morel et qui s'appelle La revanche de Kevin, paru chez POL. Il est signé Yegor Gran. Alors Yegor Gran, je ne sais pas si vous connaissez Corinne, mais c'est un auteur qui est très très drôle, qui a un humour très grinçant. C'est un peu le Benoît Poulvord de la littérature. Il est dans ce registre-là. Et c'est vraiment très très drôle. Il en a mis d'ailleurs plein la poire aux écologistes avec un livre précédent. Et ce roman, c'est une satire et c'est une critique assez féroce du milieu médiatique et intellectuel dans lequel, donc, mes chers amis, nous évoluons. Alors, Kevin, c'est donc le personnage du roman. Et lui, il est humilié depuis toujours à cause de son prénom. Kevin, parce que oui, forcément. Alors, Kevin, c'est pas Ulysse ou c'est pas Aquilino. Aquilino, c'est Achille en espagnol. C'est pas encore Ulysse. Voilà, c'est pas encore. Et oui. Donc, Kevin, c'est pas un prénom mythologique comme Ulysse ou Achille. Yegor Gran écrit... Je connais ma place. Je suis Kevin. Un Kevin ne peut pas, n'a pas le droit d'être un intellectuel. Il peut être prof de muscu, vendeur d'imprimantes, gérant de supérettes, mais intellectuel, impossible. Or, ce Kevin voudrait faire partie du milieu feutré de la pensée. Alors, il se trouve qu'il travaille dans une radio publique, donc... Mais il est commercial qui vend des espaces publicitaires et il est montré du doigt par toute la radio qui trouve ça dégoûtant. Je cite « La rédaction fait un effort titanesque pour ne pas me le montrer en face. Mais ces hypocrites sont bien contents quand je ramène un budget pour parrainer ces paix de radio que sont la météo avec Vivazel complémentaire santé, le cours en bourse qui dit bourse au clic et les conditions de circulation, elles vous ont été présentées par le crossover Suzuki. » Fin de citation. Alors Kevin décide de se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un éditeur. Et il va repérer les salons littéraires, les cocktails, les vernissages. Il se fond dans la foule. Il retient les noms des stagiaires et des influents, car, dit-il, dans l'écume des mondanités, difficile de différencier le roi du valet. Impossible de distinguer un écrivain d'un pique-assiette, surtout que trop souvent, ce sont les deux facettes d'un même personnage. Bingo, tout le monde en prend pour son grade. Et comme il parle bien, qu'il a intégré les codes, eh ben, il arrive en fait à séduire les auteurs, qui évidemment le croient. Les auteurs lui envoient leurs manuscrits, tremblant d'espoir, Kevin s'en fout, il les lit à peine. En revanche, il leur fait des réponses très calibrées, comme par exemple « J'ai lu votre manuscrit d'une traite toute la nuit. Je suis épuisé, mais content comme après une nuit d'amour. » Waouh. Et parce qu'il a intégré tous les codes de l'édition. Évidemment, l'écrivain, on il est déjà fait. On l'a déjà fait, c'est là. Non, mais on ne l'a pas fait. Vous avez une ouverture, du coup, Alex. Vous savez ce qu'il faudra dire la prochaine fois. Et l'écrivain, il jubile, il est content. Et à ce moment-là, paf, Kevin, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de disparaître. Donc, c'est atroce comme façon de faire. Parce qu'il ne demande pas d'argent. Il n'exerce aucune pression, en fait. C'est juste pour le plaisir de faire des dégâts dans un milieu qui, en fait, le rejette. Et un jour, évidemment, cette revanche va se retourner contre lui. Bon. Pour connaître la suite, je vous redonne les références, car les minutes sont passées. Vous voyez comme quoi on est dedans. C'est très, très drôle. Vas-y, fais péter. Ça s'appelle La revanche de Kevin, de Yegor Gran, et c'est paru chez POL. Moi, il m'est arrivé la même mésaventure. Au congrès de gynécologue, j'ai été expulsé tout de suite. Le spéculum. C'est ça. Vous allez jouer un petit peu de piano, jazz. Les artistes, on est obligé d'avoir plusieurs métiers. Hein, vous l'avez dit tout à l'heure, Charlène. D'ailleurs. Vous en avez combien, André Manoukian? Il y a Proxénète. Proxénète, ça prend plein de temps. Il y a un très joli tweet de Laure Pradel qui dit: intermittent qui cumule deux boulots, pensée pour Pascal Clark, obligé d'être journaliste pour faire son métier de DJ. Effectivement. Oui, Pascal, qu'on embrasse. Allez, on va aborder avec vous, Corinne Maziero, le troisième sujet de cette émission. Oui. Figurez-vous que la banque recrute ses clients dans le primaire, à l'école primaire. Non, écoutez, c'est un petit raccourci, mais on est un petit peu le bison futé de l'information, donc on va vous expliquer ça. À titre expérimental, des banquiers animent des ateliers ludopédagogiques d'éducation budgétaire. Attention, ce qui pourrait provoquer des conséquences. Dans les écoles publiques qui font ça? Je sais pas si c'est public ou privé. Je vous donnerai. Si c'est public, ça craint. Hein. Par exemple, à l'école André Le Nôtre à Ormesson-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Alors, ça, je vais les appeler. On va dire ça. Et donc, ça pourrait provoquer des conséquences fâcheuses à l'adolescence. On n'y pense pas, là. J'ai déjà envoyé mon père en prison. Et j'ai aussi ruiné ma mère. Et ma sœur et moi. Nous sommes à la tête d'une petite chaîne d'hôtels qui nous rapporte un joli capital. Comme dit maman, que sera la vie de famille sans Monopoly? C'est vrai, il y avait déjà le Monopoly. Est-ce qu'on va en rajouter? C'est la question. Alors, apprendre à faire un bon montage fiscal dès le CE1 à un atelier HSBC, est-ce que c'est une bonne idée? Apprendre à ne pas payer ses impôts. Mais c'est peut-être ça qu'ils leur disent. Mais écoutez, oui, ils ne peuvent pas leur apprendre, apprendre à penser par eux-mêmes, ça déjà. Mais cela dit, est-ce que comprendre l'économie pour... Peut-être... C'est pas pareil. Oui, mais est-ce que... Alors, c'est peut-être pas le rôle de la banque de le faire, mais est-ce que c'est pas intéressant de l'expliquer ça dès le plus jeune âge? Oui, si c'est des gens comme Oncle Bernard, par exemple, qui n'est Bernard plus là Maris, maintenant. Bernard Maris, oui, qui n'est fait. Plus là. Ça, oui, mais apprendre... ils ont qu'à leur apprendre à dîner tant qu'ils sont. C'est la Fédération bancaire française qui est dans cette école et on signale donc elle est publique. Et quand, ben surtout quand on sait qu'il y a quand même une fâcheuse carence, par exemple, de l'enseignement des langues, de l'anglais, par exemple, en primaire, ou ne serait-ce que le codage informatique ou des choses comme ça, comme en Europe, ailleurs, c'est fait. Et que là, du coup, on prend des heures de cours pour parler de ça. Beaucoup de mots d'anglais dans le vocabulaire bancaire, donc peut-être. Ah oui, c'est ça. C'est tous les trucs de culture aussi qui faisaient... Parce que moi, quand j'ai commencé à être comédienne, il y avait des ateliers drac, comme ça, qu'on faisait dans les collèges, les lycées, les zonzons, etc. Et tout ce fric là qu'on donne plus aux intermittents et autres, hein, ça va pour ces enfoirés là. C'est quoi ce bordel? Non, mais c'est scandaleux. Ils ne chantent pas. C'est financé par la banque elle-même tout de même. La Fédération bancaire française. Alors c'est vrai, vous faites bien, Corinne Maziero, de le rappeler. Évidemment, il y a des artistes, il y a des gens qui viennent pour faire de la prévention dans les écoles qui manquent d'argent souvent. SOS Homophobie fait de très bons trucs aussi dans les collèges. Écoutez, maintenant c'est la banque, ce que je vous dis, moi. Alors attends, c'est expérimental, hein, je vous rassure quand même. Il y a un plateau de jeu, un fascicule, parce qu'il faut rire un peu, je vais vous donner une question qui est posée sur le fascicule. C'est mon anniversaire, je vide mon portefeuille pour acheter un blouson. Est-ce un achat raisonné ou un coup de cœur? Entre CE1 et CM2. C'est un article à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Nicole Ferroni, vous qui avez enseigné. Non, mais ça, alors, par contre, moi, une chose qui arrive, c'est que moi, je faisais des cours de consommation avec mes élèves. C'est-à-dire que je faisais des goûters ou des fois, du coup, on comparait qu'est-ce qu'on cautionnait selon ce qu'on achetait comme produit. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on cautionnait pour soi-même, pour son corps, pour la partie environnementale ou la partie humaine, selon ce qu'on achetait. Qu'est-ce que tu fais? Il y a un bouquin comme ça qui est sorti qui parle de la coke comme ça, parce qu'on est dans un milieu, on consomme beaucoup. Je faisais ça aussi, je donnais de la coke et dis en fonction, qu'est-ce que vous cautionnez selon ce que vous consommez. On tape tous de la coke, là, il faut arrêter le délire. Il faut savoir d'où ça vient. On est aux fruits. Clara Dupont-Mono est au bonbon. Il n'y a pas de ça chez nous. Allez, on vous propose un petit sketch, Alex Vizorek. Oui, peut-être vous devriez en prendre. Je vous propose un rôle, Corinne Maziro, vous l'acceptez? Ça dépend. Ah bah, je vais vous le donner. Si vous n'en voulez pas, c'est Charline qui le prend. Qu'est-ce mais j'ai écrit pour vous. Alors hier, tout le web s'est encore moqué de nous, la Belgique, car un autocar a fait 1200 km de détour pour arriver à la Plagne, en Savoie, car le conducteur avait programmé son GPS sur la Plagne en Ariège. Et donc un passager a déclaré, c'est chouette, on a vu la Méditerranée, mais pour aller faire du ski, c'est emmerdant. Corinne Maziro, vous êtes la chauffeuse du bus belge, je suis le passager, peut-être qu'on rencontrera des gens, on y va. Madame le chauffeur, on y est bientôt. Le GPS, il dit 3 minutes avant la Plagne. Formidable, hein, parce que c'est loin quand même. Ah bah c'est grand la France, c'est pas comme chez nous. Ouais, enfin en tout cas, il fait vraiment beau, hein. Ouais, bah c'est d'ailleurs ça qui me surprend. C'est mal écrit, hein. Ouais, d'ailleurs, c'est ça qui me surprend, j'ai l'impression que la neige, elle a fondu. C'est vrai, c'est bizarre ça. Bon, on se rend pas compte parce qu'il y a pas de tire-fesses par ici. Ouais, bah c'est ça d'ailleurs qui me surprend. Comment qu'on va faire pour remonter les pistes? Bah ouais, c'est bizarre, hein, parce qu'on se rend pas compte parce qu'il y a pas de montagne par ici. Ah ouais, c'est d'ailleurs ça qui me surprend, il y a pas de montagne ici. Bah, c'est vrai, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Bon, on y est, là, il y a quelqu'un. Là. Ah, bonjour madame. Bonjour, oh des Belges, oh là là, je vous aime bien, vous avez toujours de ces histoires, vous, hein. Putain, quel drôle d'accent savoyard qu'ils ont, les gens, là. On n'est pas là pour raconter des histoires, mais à faire du ski. Attends, du ski, mais la mer, elle est encore un peu fraîche, quand même, non? Ils sont vraiment drôles, hein, les Français, là, faire du ski dans la mer. Et nous, on veut des pistes bleues, on veut pas le grand bleu. Non, mais pas dans la mer, sur la mer. Sur la mer. Vous êtes certain que vous êtes au bon, la Plagne? Oh non. Ben si, en France, il y a trois, la Plagne. Oh non! Ben si! Oh non! C'est la deuxième fois que ça m'arrive, la dernière fois. On devait aller à Bellegarde, est-ce qu'on s'est pas retrouvé à Belgrade? Bon ben, merci à madame! Ah ben de rien, ben là vous avez qu'à reprogrammer pardon, le GPS. Ouais, il faut qu'on ait un peu de chance aussi, hein. Pardon? Ben oui, il reste encore deux, la Plagne! Merci Corinne Maziro, c'est une histoire bon vraie. Sang, hein. Vous habitez pas loin de la frontière. Mais que, beaucoup de tweetos nous ont envoyé d'ailleurs. Merci, oui, merci parce qu'on est belge et qu'on a encore fait une boulette. Merci assimilé. Corinne Maziro. Je rappelle que Discount de Julien Petit est toujours en salle et que vous serez donc à Roubaix pour faire un petit débat ensuite, c'est demain. Mm-hmm. Et puis Capitaine Marlowe, José Dayan, ce sera sur France 3 à l'automne. Ouais. On vous souhaite beaucoup de succès dans toutes vos entreprises. Merci les grandes filles. Merci d'être venues. Merci à tous autour de cette table. Solidaire, hein. Et solidaire. Et demain, on reçoit Claude Villers qui sera avec nous. Génial. Et on laisse le mot de la fin à une candidate FN. Ben oui, bisous au CSA, c'est pour le rééquilibrage. Vous savez, je n'ai jamais signé de ma vie sans avoir lu quelque chose. Mais comme je ne vois pas clair, j'ai signé sans lire.